Chapitre 3. René Leblanc était de haute taille, légèrement courbé par l'âge, ses cheveux blancs, son front découvert, ses besicles de corne à cheval sur son nez lui donnaient l'aspect d'un sage des temps anciens. Il était père d'une nombreuse famille et son plus grand bonheur était d'être entouré de ses petits-enfants qui se plaisaient à chevaucher sur ses genoux en écoutant le tic-tac de sa grosse montre. Pendant les dernières guerres, il avait été emprisonné 4 dures années dans un vieux fort français comme soupçonné d'être partisan de l'Angleterre. Cette captivité l'avait rendu d'une excessive prudence. Mais il avait toujours conservé la simplicité d'âme d'un enfant. Il était d'une patience à toute épreuve et son esprit était aussi droit que sincère. Tout le monde l'aimait, principalement les petits auxquels il aimait à raconter les contes et les légendes des temps passés. Il leur disait l'histoire du loup-garou dans la forêt, celle du lutin qui venait la nuit apporter de l'eau aux chevaux, l'aventure du blanc létiche, fantôme d'un enfant mort sans baptême et condamné à errer invisible dans la chambre des petits. Il leur disait comment les bœufs, la nuit de Noël, parlaient dans les étables et comment l'araignée enfermée dans une coquille de noix guérissait les fièvres. Il leur parlait du trèfle à quatre feuilles au pouvoir merveilleux, du fer à cheval, emblème du bonheur. Enfin de tout ce qui faisait le fond des histoires racontées pendant les longues veillées d'hiver. Nul mieux que lui ne connaissait toutes les traditions du village. Lorsque le notaire se fut assis, Basile le forgeron se leva de son siège et vint à lui, après avoir secoué les cendres de sa pipe. Puis, étendant la main droite, « Père Leblanc, dit-il, tu as dû entendre les discours qui se tiennent dans le village. Ne pourrais-tu pas nous dire quelle est la mission des vaisseaux anglais arrivés dans le port ?» À ces paroles, Leblanc répondit d'un air modeste. « Sans doute, j'ai entendu pas mal de bavardages, mais je n'en suis pas mieux instruit pour cela, et j'ignore tout autant que les autres quelle peut être la mission de ces navires. Au reste, je ne suis pas de ceux qui croient qu'un mauvais dessein les amène ici, car nous sommes en paix. Et pourquoi les Anglais viendraient-ils nous inquiéter ?»« Sacre bleu !» s'écria le vif et quelque peu irritable forgeron. « Faut-il donc en toute chose chercher le comment, le pourquoi et le parce que ? Chaque jour ne voit-on pas des injustices ? Et le pouvoir n'est-il pas souvent le droit du plus fort ?» Sans s'offenser de cette vive réplique du forgeron, le notaire poursuivit. « L'homme est injuste, cela n'est que trop vrai. Mais le Seigneur est juste et la justice finit toujours par triompher des méchants. Permettez-moi à ce propos de vous raconter une histoire qui, bien souvent, m'a consolé pendant ma captivité à Port-Royal. C'était le récit favori du vieillard. Et quand quelqu'un de ses voisins se plaignait d'être victime d'une injustice, il aimait à le lui rappeler. Jadis, dans une ville ancienne dont j'ai oublié le nom, une statue de bronze représentant la justice se dressait au milieu de la place publique. Cette statue tenait de la main gauche les plateaux d'une balance et de la main droite un glaive, ce qui signifiait que la justice avait sous sa garde les lois du pays, ainsi que les cœurs et les foyers des habitants. Les oiseaux, sans crainte du glaive qui brillait au-dessus d'eux aux rayons du soleil, avaient construit leur nid dans les plateaux de la balance. Dans la suite des temps, la corruption se mit dans les lois du pays. La force prit la place du droit, et les puissants opprimèrent les faibles. Il arriva alors qu'un jour, un collier de perles fut perdu dans le palais d'un gentilhomme de la ville. Et presque aussitôt, les soupçons se portèrent sur une pauvre fille orpheline qui était servante dans la maison. Après un semblant de procès, la jeune domestique fut condamnée à périr sur l'échafaud et elle subit avec résignation l'injuste sentence. À peine cette inique exécution était-elle accomplie, qu'un orage éclata sur la ville, le tonnerre frappa la statue de bronze et arracha violemment les plateaux de la balance qui vinrent se briser sur le pavé. Dans le creux de l'un de ces plateaux, on trouva le nid d'une pie, et on fut stupéfait en apercevant le collier de perles enlacé dans les brins de bois qui avaient servi à la construction du nid. Ce conte fini, le forgeron restait muet, mais il n'était pas convaincu. Il voulait parler, mais il ne trouvait pas de mots pour s'exprimer. Ses pensées paraissaient figées sur son visage, semblables aux vapeurs qui, en se congelant, forment en hiver des dessins fantastiques sur les carreaux de nos fenêtres. À ce moment, Évangeline alluma la lampe de bronze qu'elle posa sur la table. Puis elle remplit la cruche d'étain d'une bière brune brassée à la maison et renommée pour sa force dans tout le village de Grandpré. Pendant ce temps, le notaire ayant tiré de sa poche ses papiers et son écritoire, inscrivit d'une main sûre les noms et l'âge des fiancés. Puis il mentionna la dot de la future, qui consistait surtout en troupeaux de moutons et en bétail. Enfin, quand tout fut réglé et bien arrêté, il posa le grand sceau royal en marge du contrat. Alors Bénédicte tira de son sac de cuir et déposa sur la table une somme représentant les honoraires triplés du notaire public. Celui-ci se leva et bénit les jeunes fiancés, puis, élevant son verre plein de bière, il but à leur félicité. Ensuite, il prit congé, salua profondément et partit, tandis que les autres restaient assis au coin du feu, l'esprit agité d'une foule de pensées diverses. Enfin, Évangeline alla chercher le damier, et aussitôt Bénédicte et Basile entamèrent leur partie accoutumée. Les deux vieillards, dans cette lutte amicale, riaient à chaque heureux coup, ainsi qu'à toute manœuvre sans succès. Pendant ce temps, Évangeline et Gabriel, assis dans l'embrasure de la fenêtre, échangeaient à voix basse de douces paroles et s'entretenaient de leurs projets d'avenir, éclairés par la douce lumière de la lune qui se levait en ce moment sur la mer et sur la brume argentée étendue sur les prairies. Les étoiles brillaient à la voûte céleste et semblaient s'associer à cette scène de bonheur intime. Ainsi s'écoula cette heureuse soirée où deux cœurs s'étaient unis pour toujours. Et puis, la cloche du beffroi sonna 9 coups. C'était pour le village l'heure du couvre-feu. Sur le champ, Basile et son fils se levèrent pour partir, et la maison devint toute silencieuse. Longtemps sur le seuil de la porte, on échangea de doux bonsoirs et de tendres adieux qui remplissaient de joie le cœur d'Évangeline. La jeune fille, avant de rentrer, écouta, rêveuse, pendant quelque temps les pas de son fiancé qui s'éloignait lentement et comme à regret. Puis elle rentra et couvrit de cendres la braise du foyer. Bientôt on entendit les pas de Bénédicte qui firent résonner les marches de l'escalier de chêne. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à l'intérieur de la ferme, Évangeline regagna aussi sa chambre. Rien de plus simple que cette chambrette aux rideaux blancs, aux grandes et larges armoires dont les rayons pliaient sous le poids des étoffes de laine, du linge et de la toile qui les garnissaient, attestant l'habileté et l'activité de la jeune ménagère. C'était là pour son mari une dot bien plus précieuse que celle inscrite au contrat, car c'est là ce qui constitue bien mieux que toute richesse, une garantie d'aisance et de bonheur pour l'avenir d'un jeune ménage. Évangeline éteignit bientôt sa lampe. Son cœur alors se gonfla et ses pensées se portèrent vers son fiancé. Malgré elle, un sentiment de tristesse envahit son âme, semblable aux nuages qui, par moments, venaient voiler la clarté de la lune. Elle était loin de se douter que Gabriel, en bas, dissimulé sous les arbres du verger, avait suivi longtemps, d'un œil anxieux, ou son ombre ou la clarté de sa lampe. Elle regarda quelque temps, rêveuse et pensive, par la fenêtre. Puis elle se coucha, toujours poursuivie par la même pensée.